m'entraîne, me libérer de ma peine. Évidemment j'ai essayé, fermer les yeux et m'évader. Tu vis dans toutes mes pensées, j'ai peur qu'il soit mon pire ennemi. Je fuirai s'il le faut, tant pis. J'ai peur qu'on vient la nuit de fuir. Là pour moi c'en est trop, c'est fini. C'est comme si je marchais sur tes pas. Oh, quoi le temps arrête tes images. Comme si tout dessinait ton visage. Comme si la terre n'était pas si vaste. Un peu d'argent pour réunir, beaucoup d'argent pour désunir. Alors pourvu qu'on s'aime, plus de mise en scène, le temps qu'on le comprenne.